إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 45 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et on est arrivé au chapitre Babun ma ja'a fil kadhibi 'ala Allahi aw 'ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le mensonge à propos d'Allah et à propos de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on a lu hier l'explication des deux premiers versets qui avaient été mentionnés à ce sujet-là. Et on a lu et on commence à lire l'explication aussi des hadiths qui ont été mentionnés là-dessus. On continue donc avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan dans ce sujet. Il dit « وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيدِ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَنَّهُ مُبَلِّغٌ عَنِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَذِّبَ أَوْ أَنْ يُكَذِّبَ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ فَتُنْسَبُ إِلَيْهِ أَحَادِيثِ لَمْ تَصْدُرْ عَنْهُ ولا سيما من قبل الوضاعين الذين يضعون الأحاديث المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم لأغراض دنيوية إما لأجل أن يتظاهروا أمام الناس بالعلم أو لنيل مطامع يأخذونها من الناس أو يضعون الأحاديث ليفسدوا الدين على المسلمين مثل الزنادقة والملاحدة ويدخلوا في هذا الذين يضعون الأحاديث لنصرة مذهبهم أو ليؤلفوا بين أفراد جماعتهم وأحزابهم ليؤلفوا بين أفراد جماعتهم وأحزابهم وليرغبوا الناس في الخير كما فعل بعض الجهلة حيث قالوا نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم لا عليه وذلك حينما رأوا الناس متكاسلين عن فعل الخير فراحوا تارة يضعون الأحاديث التي تحث على أمر وترغب فيه وتارة يضعون أحاديث في الترهيب من فعل المعاصي والمنكرات وهذا كله كذب محض. Donc on va traduire ça puis on va continuer, on va lire la suite après inshallah. Le cheikh il explique, parce que hier on a commencé a expliqué, le cheikh il a mentionné la gravité du péché de mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a dit que c'est beaucoup plus grave de mentir contre Allah et contre son messager que de mentir contre une personne ordinaire, hein, une personne comme nous, parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. Donc si on ment contre lui, on amène les gens à l'égarement, de même que si on ment contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et c'est de ça qu'il parle maintenant. Il dit que dans la menace qu'on a lue dans les hadiths hier et dans les versets, il y a également le fait de mentir contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui transmet le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il n'est pas permis de mentir contre lui dans le hadith, ou de mentir à son sujet et de lui attribuer des paroles qu'il n'a pas prononcées ou qu'il n'a pas dites, et en particulier de la part des gens qui fabriquent des hadiths, qui inventent des hadiths mensongers pour des intérêts de la dunya, des intérêts matériels ou des choses de la dunya, ou dans le but de se montrer devant les gens comme ayant de la science ou pour obtenir des choses qu'il cherche à obtenir de la part des gens. Et donc il fabrique des hadiths et il les invente pour corrompre aussi parfois même la religion des musulmans, comme les hérétiques, comme les athées ou les gens qui ne croient pas. Il fabrique des hadiths pour corrompre la religion. Et également, on peut faire rentrer dans ça ceux qui fabriquent des hadiths pour défendre leur position ou leur école de fiqh ou des choses de ce genre, ou bien pour défendre leur groupe ou leur jama'a et pour réunir les membres de leur groupe ensemble, ou bien pour inciter les gens à faire du bien. Par exemple, il y en a des ignorants qui au lieu de dire bon, nous on ment pas contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ment pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ils inventent des hadiths pour inciter les gens à faire des bonnes œuvres quand ils voient que les gens sont paresseux de faire du bien. Alors, ils inventent des hadiths pour dire, par exemple, bon, si tu fais telle action, tu vas avoir telle récompense. Ils inventent des récompenses irréalistes et inimaginables pour des actions. Et parfois aussi, c'est pour faire peur aux gens par rapport au péché. Et donc, tout ça rentre dans le mensonge. Donc, que tu mentes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux cas, mentir c'est mentir, et en particulier à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus grave. Et le cheikh il dit: فالتحليل والتحريم لا يجوز أن يصدر إلا من الله جل وعلا بالقرآن وبما صح من الحديث من رسوله صلى الله عليه وسلم بل إن بعضهم ذكر أنه رأى الناس لا يقرؤون القرآن ولا يقبلون عليه ولا يقبلون عليه فوضع أحاديث في فضائل الصور والآيات ليحث الناس على قراءته وهذا أعظم الكذب بعد الكذب على الله. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que donc le fait de rendre halal ou de rendre haram, c'est pas permis de que ça vienne d'autre que de Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans le Coran ou soit de ce qui a été rapporté authentiquement dans le hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains ont mentionné, par exemple, qu'ils ont vu que les gens ne lisaient pas le Coran, que les gens se détournaient un peu du Coran, alors ils ont inventé des hadiths pour mentionner les mérites de certaines sourates ou bien certains versets, et pour inciter les gens à lire plus le Coran. Et donc ça rentre également dans le mensonge, ça fait partie des plus grands mensonges après le fait de mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذ ولكن الله جل وعلا حمى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما حمى القرآن الكريم من التحريف والزيادة والنقصان فقيض للحديث حفاظا متقنين نقادا ينقدون الحديث ويبينون الزائف من الصحيح وكل ذلك مدون في كتب الجرح والتعديل وهذا من حفظ الله لهذا الدين كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهؤلاء الحفاظ النقاد حصروا الأحاديث الموضوعة ودونوها في مؤلفات لأن لا تلتبس بالأحاديث الصحيحة مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي والآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة لابن عراق وكتب كثيرة غيرها وهذا من لطف الله جل وعلا بهذا الدين وحمايته له فمهما حاول الدساسون والمغرضون لنيل هذا الدين أو للنيل من هذا الدين فإن الله يقيض لهم من يبطل كيدهم وبالتالي فإن علماء الحديث وعلى مر العصور بقوا حراسا للسنة يذبون عنها ولهذا. On va lire ça puis on va traduire la suite après inshallah. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykum salam Hassan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que mais il a préservé la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah il l'a préservé comme il a préservé le Coran, il a préservé la sunna aussi, parce qu'il y a des gens qui disent le Coran c'est préservé mais pas la sunna. Et ça, c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé la sunna comme il a préservé le Coran. Et il l'a préservé de toute déformation, falsification, soit des ajouts ou des retraits également. Et il a fait qu'il y ait pour le hadith des mémorisateurs et des gens qui maîtrisent la science du hadith et qui savent comment distinguer entre les hadiths authentiques et les hadiths qui ne sont pas authentiques ou qui sont faibles ou fabriqués. Et tout ça c'est mentionné et recueilli dans des livres comme les livres de Jarh al-Ta'dil, de la critique et de l'éloge, les livres qui parlent des narrateurs de hadith, qui expliquent qui sont les narrateurs des différents hadiths et qui clarifient donc comment distinguer entre les hadiths authentiques et les hadiths faibles. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé sa religion comme il le dit dans le verset 9 dans sourate Al-Hijr, nous avons certes fait descendre le rappel et certes nous allons le préserver. Et ça comprend pas seulement le Coran mais bien entendu également la Sunna. Et ces mémorisateurs et ces critiques des narrateurs, ils ont séparé les hadiths fabriqués des hadiths authentiques. Et ils les ont mis dans des recueils de hadiths qu'on appelle Al-Mawdu'at. Les livres qu'on appelle Al-Mawdu'at. Et Al-Mawdu'at, c'est des livres dans lesquels on retrouve que des hadiths fabriqués. Des hadiths qui sont faux, des hadiths mensongers, faussement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le livre Al-Mawdu'at de Ibn al-Jawzi ou le livre qui s'appelle Al-Ali Al-Masnu'a fil Ahadith Al-Mawdu'a de l'imam al-Suyuti et Tanzih al-Sharia Al-Marfu'a min Al-Ahadith Al-Mawdu'a d'Ibn al-Arraq, et il y en a d'autres également. Il y en a d'autres livres de cette catégorie-là et ça fait partie donc de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette religion et de sa protection pour cette religion. Et peu importe ce que les gens qui essaient de détruire ou corrompre la religion essaient de faire pour essayer d'attaquer cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène toujours des hommes qui viennent annuler et détruire leur ruse et leur complot, et pour préserver donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit que c'est pour ça que les ulama de hadith, à travers les siècles, ils ont resté comme des gardiens, comme des protecteurs de la sunna, et ils ont tout fait pour défendre la sunna authentique et pour pas qu'il y ait des mélanges entre qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est faible. Et dit وَلِهَذَا فَهُمْ مَيَّزُوا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَوْضُوعِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَنْسُوبَةِ لِلرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث وضعوا ضوابط وشروطا دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث تطبق على سند الحديث، فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو الصحيح، وإذا لم تنطبق عليه فهو الضعيف، مثل الميزان تماما الذي توزن به الأشياء. Donc le cheikh il dit que les savants ils ont distingué entre les hadiths qui sont authentiques et qui sont faibles ou qui sont fabriqués parmi les hadiths qui sont attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils ont établi des principes et des règles et des conditions très précises pour distinguer et connaître quels sont les hadiths qui sont authentiques, et ils ont appliqué ces principes et ces conditions-là à la chaîne de transmission, chaîne de narrateur du hadith. Et lorsque les conditions sont respectées, alors ça veut dire que le hadith en question il est authentique. Toutefois, si les conditions ne sont pas respectées, alors on dira du hadith qu'il est faible. Dans ce cas-là, tout comme une balance avec laquelle on peut peser les choses. Et le cheikh il dit ensuite وَهَذَا كَمَا قُلْنَا مِنْ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِمَايَتِهِ لِهَذَا الدِّينِ. Et ça fait partie de la miséricorde et de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la protection de sa religion. Il y a le livre de l'imam Muslim, le Sahih de l'imam Muslim. Il mentionne au début, à l'introduction de son Sahih, des paroles des imams à ce sujet-là justement, comme la parole célèbre de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak lorsqu'il dit Al-Isnadu min ad-din, wa lawla al-Isnad laqala man sha'a ma sha'a. C'est-à-dire que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a expliqué que la chaîne de transmission du hadith, l'isnad, ça fait partie de la religion de l'islam. C'est une des particularités de la religion de l'islam qui n'existe pas dans aucune autre religion. Et il dit que l'isnad fait donc partie de la religion, et si ce n'était de la l'isnad, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi à propos de l'islam. Mais grâce à ce principe ou ce système de chaîne de transmission et de vérification des narrateurs, on est capable de savoir de qui on prend les informations et de qui on ne prend pas les informations, et qui est un rapporteur qui est fiable et honnête et qui n'est pas fiable et honnête, et qui a une bonne mémoire et qui n'a pas une bonne mémoire, et ainsi de suite. Naam. Après, le cheikh il dit حتى حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والدس لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الكذب على الله تعالى لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فالكذب كله محرم سواء كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على غيره ولكن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد لأنه مبلغ عن الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que c'est comme ça que la religion, avec la chaîne de transmission et les règles et les conditions, tout ça, la science du hadith, la religion d'Allah, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle a été préservée des mensonges et de toute infiltration extérieure et des mensonges. Et donc le fait de mentir contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça vient après le mensonge contre Allah dans la gravité. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme c'est rapporté dans c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Mughira ibn Shu'bah, qu'un mensonge contre moi n'est pas comparable à un mensonge contre quelqu'un d'autre. Et il dit ensuite, le cheikh, il explique que le mensonge, yani peu importe contre qui, c'est haram. Yani de façon générale, le mensonge c'est haram. Que ce soit contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou contre quelqu'un d'autre que le messager d'Allah. Mais lorsque c'est contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus grave encore. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est transmetteur de la religion. C'est lui qui vient transmettre la religion. Donc si on ment contre lui, on ment contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. C'est-à-dire que il dit que celui qui ment contre moi volontairement, qu'il prépare sa chaise en enfer. Le cheikh il dit hadha tahdid wa wa'id shadid. هذا تهديد ووعيد شديد لأن قوله فليتبوأ مقعده من النار معناه فليتخذ من النار مكانا مباءة يحشر فيها ويعذب بها والمباءة يعني هي المكان وهذا فيه تهديد ووعيد شديد كما ذكرنا لمن كذب على الرسول sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui ment contre moi qu'il prépare sa chaise en enfer. C'est une menace sévère, hein, et grave. Et cette parole, hein, quand il dit qu'il prépare sa chaise en enfer, eh bien ça signifie quoi? Ça signifie qu'il prenne de l'enfer une place, hein, un endroit où il va être ressuscité et où il va être châtié, hein. Donc ça veut dire l'endroit, sa place en enfer, hein. Une chaise en réalité c'est comme pour dire une place, c'est comme s'il préparait sa place en enfer en mentant contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est une menace, hein, sévère et dur contre celui qui ment sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَتَحَرَّزْ حِينَمَا يَذْكُرُ حَدِيثًا عَنِ الرَّسُولِ sallallahu alayhi wa sallam فِي خُطْبَتِهِ وَدَرْسِهِ وَمَوْعِظَتِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَأَكِّدًا وإذا لم يكن متأكدا من حديث من صحة الحديث فليقول يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو ورد كذا وكذا، فليأتي بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم. Donc le cheikh il explique que l'homme il doit l'être humain doit faire donc la personne doit faire attention quand elle mentionne un hadith. Elle doit faire attention quand elle mentionne un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa khutba. Dans sa khutba ou dans son dars ou dans son exhortation lorsqu'elle appelle les gens à l'islam, d'être certain de l'authenticité du hadith qu'elle cite. Et que si elle n'est pas certaine de l'authenticité du hadith, alors dans ce cas-là qu'elle n'affirme pas de façon certaine, mais qu'elle utilise la forme passive, pour citer le hadith. Donc, par exemple, au lieu de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle va dire par exemple, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme si on le dit, mais on n'est pas certain que c'était vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, oui ou non. Ça, c'est quand le hadith, on ne sait pas s'il est authentique ou non. On ne va pas l'affirmer avec certitude tant qu'on n'est pas certain. Et les ulama en arabe, ils disent yurwa. Yurwa. Yurwa, ça veut dire on a rapporté, mais on ne sait pas exactement nécessairement est-ce que c'est authentique ou non. Ça, c'est la différence que. Oui. Ça c'est en arabe, c'est connu parmi les règles même du hadith, les règles de la narration des hadiths. Les ulama, quand ils mentionnent le hadith en disant ruwiya ou bien yurwa, c'est à la forme passive. Les ulama, ils disent ça, c'est un signe que peut-être qu'il y a un problème avec l'authenticité du hadith. Et donc, la personne, elle n'a pas voulu affirmer l'authenticité du hadith parce qu'elle n'était pas certaine. Alors, elle le dit de cette façon passive pour être sûre qu'elle n'affirme pas ou qu'elle n'attribue pas une parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit. Et le cheikh dit, « فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا حَتَّى يَعْرِفُ النَّاسِ حتى يعرف الناس أن هذا الحديث محل نظر. Donc il faut le dire de cette façon pour que les gens sachent que le hadith il faut vérifier. On n'est pas certain de son authenticité. Il dit وأما إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا على طريقة الجزم فلا بد من التأكد من صحة الحديث المذكور. Tandis que si tu dis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose de façon certaine, de façon déterminée, ça veut dire que là, dans ce cas-là, il faut que tu sois certain que le hadith en question que tu rapportes, il est authentique. Et il dit wa amma ma rawa muslim an Samura ibn Jundub radiyallahu anhu marfu'an ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين فهو دليل على عدم جواز رواية الأحاديث التي نرى أنها كذبا فلا نقول هذا على ذمة غيري أو هو موجود في الكتب فما دمت ترى أنه كذب ولو كان موجودا في الكتب فلا يجوز لك أن ترويها لأنك يعني تكون في والحالة هذه أحد الكذابين أو أحد الكاذبين بالتثنية أي أو أحد الكاذبين نعم فأنت يعني إذن لأنك في والحالة هذه أحد الكذابين أو أحد الكاذبين بالتثنية أي الذي رواه والذي نقله وهو يعلم أنه كذب فيكون كاذبين. Donc le cheikh il explique que ce que l'imam muslim a rapporté dans qu'est-ce que le cheikh a cité du hadith qui est rapporté par Muslim selon Samura ibn Jundub que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui rapporte de moi une parole et qu'il voit que c'est un mensonge, c'est-à-dire que c'est pas authentique, alors dans ce cas-là, il est un des menteurs. Hein? Il le rapporte alors qu'il sait que c'est un mensonge et il l'attribue malgré tout au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là, il est un des menteurs. Et le cheikh, il dit que ça, c'est une preuve qu'il n'est pas permis de rapporter le hadith que tu considères comme étant mensonger. Et si tu sais que c'est un mensonge, tu ne vas pas dire par exemple « Ah, mais la responsabilité est sur quelqu'un d'autre. » Ou bien le livre est... ou bien tu dis « Ça, c'est dans j'ai trouvé le hadith dans les livres. Hein, » comme si pour te disculper de la responsabilité. Il dit le cheikh, non, tu ne dois pas le transmettre et le propager si tu sais que le hadith il est faible. Il dit, parce que du moment que tu es conscient que c'est un mensonge, cette parole, même s'il est présent dans les livres de hadith, il n'est pas permis de le rapporter. Parce que dans ce cas-là, sinon tu seras un des menteurs, un des deux menteurs. C'est-à-dire celui qui le rapporte et celui qui l'a transmis. Alors qu'il sait que c'est un mensonge, il est un des menteurs dans ce cas-là. Il dit, فَعَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يَتَنَبَّهْ لِهَذَا الْأَمْرِ سِيَّمَا يعني وَأَنَّنَا نَرَى الْآنْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمَ الَّذِينَ يُصَحِّحُونَ الْأَحَادِيثُ وَيَتَنَاقَلُونَهَا وَيُضَعِّفُونَهَا وَهُمْ غَيْرُ مُؤَهَّلِينَ لِذَلِكَ وفي هذا خطر عظيم ينبغي التنبه له والتحذير منه فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه فلا يتكلم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم ودراية ولم يلتقي علم الحديث عن العلماء في دراسته عليهم وحمله العلم عنهم لأن هؤلاء المتعالمين تتلمذوا على أنفسهم وعلى الكتب والأشرطة أو على جهال أمثالهم وخرجوا على الناس محدثين وهم في الحقيقة محدثين بإسكان الحاء وتخفيف الدال مكسورة ولم يكتف هؤلاء بالتعالم بل صاروا يغلطون الأئمة ويستدركون عليهم من غير حياء ولا خجل ولا خوف من الله. Donc le cheikh il explique que le musulman il doit faire attention dans ces choses-là. Surtout qu'à notre époque on voit des étudiants de sciences qui commencent à authentifier des hadiths et à les transmettre et parfois à les déclarer faibles sans être aptes à le faire. Et il y a dans ça un grand danger auquel il faut faire très attention. Donc il dit que une personne doit savoir la limite de sa personne et de sa connaissance, et il ne doit pas parler des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans science et sans connaissance de la science du hadith, surtout s'il n'a pas appris cette science du hadith chez les ulama en étudiant cette science avec eux. Il dit que s'il n'a pas pris cette science-là des savants de la science du hadith, alors il ne doit pas s'embarquer dans ce domaine-là. Il dit, parce que ceux qui se prétendent connaître ou prétendent avoir la science du hadith, souvent ils ont étudié tout seuls, c'est-à-dire ils ont appris eux-mêmes avec les livres ou avec les audios, les cassettes, ou bien avec des ignorants comme eux. Et ils sont sortis devant les gens en se disant « muhaddithin », c'est-à-dire des savants de hadith. Alors qu'en réalité, ce sont des « muhaddithin ». Yanni le cheikh, il dit, c'est-à-dire des gens qui inventent des choses, des gens qui sont des innovateurs. « Bi-iskan al-ha wa takhfif dal maksura » القصاصين نعم القصص القصاصون ça c'est les conteurs القصاص القصص نعم Al-Muhdithun, ça vient de Muhdith. Muhdith, c'est quelqu'un qui invente. Naam. Al-Qassas, c'est ceux qui, quand ils parlent aux gens de l'islam, ils leur racontent toujours des contes, des histoires. Hein? Il va leur commencer à leur raconter plein de choses, mais il ne va pas dire qala Allah, qala Rasulullah. Il se base plus sur des histoires, qu'est-ce que les gens ont fait, qu'est-ce qui est arrivé quelque part, qu'est-ce que quelqu'un a raconté, des choses comme ça. Et souvent, c'est des contes qui ne sont même pas vrais. Des fois, c'est des mensonges. Tu vois, il invente ces choses-là. Et il fait ça pour divertir les gens. Souvent, c'est pour divertir les gens, parce qu'il voit que les gens, ils veulent pas entendre la science, alors il veut les amuser. Hein? Alors, il commence à raconter des histoires sur toutes sortes d'affaires. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-qussas, c'est-à-dire les conteurs. Et c'est eux qui corrompent la religion. Hein? C'est eux qui font beaucoup de tort à la religion, ces gens-là. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là qui prétendent à la science, et même, ils commencent même à accuser les imams de l'islam ou les imams du hadith d'être dans l'erreur ou des choses de ce genre, et ils essaient de les corriger sans aucune gêne et sans aucune pudeur, sans aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très dangereux. Et effectivement, qu'est-ce que le cheikh il dit, c'est vrai. Il y a des jeunes comme ça, ils commencent à prendre les livres de hadith et ils commencent à essayer de juger les hadiths, est-ce que les sahih ou da'if ou des choses comme ça, puis ils n'ont pas de science pour de vrai. Non. Comme le frère il donne un bon exemple ici, il dit comme par exemple ces soi-disant prêcheurs aujourd'hui là, qui sont plus des conteurs que d'autres choses, eh bien quand ils vont mentionner des hadiths par exemple aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils déforment le sens du hadith, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'écouter et d'obéir aux dirigeants même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens. Eux ils disent non, ça c'est pas général, ça c'est juste si ça t'arrive à toi en tant que personne, c'est pas général pour tous les musulmans ou des choses comme ça. Alors que les savants de hadith, quand ils ont rapporté le hadith, ils l'ont rapporté hein, de façon générale, pas de façon spécifique ou particulière. Et le cheikh il termine ce chapitre en disant والحاصل أنه ينبغي لمن لم تكن لديه الأهلية الصحيحة الأهلية الصحيحة لعلم الحديث أن يتأنى أو أن ينأى نفسه بنفسه عن هذا الأمر أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر ويترك العلم لأهله ولكن إذا أراد الاستدلال بحديث فلا بد له أن يأخذه من مظانه الصحيحة فيعلم صحة الحديث ومعناه حتى يتكلم ويعني حتى يتكلم بما يعلم فيعني فيكذب حتى لا يتكلم بما لا يعلم فيكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il résume en disant que pour celui qui n'a pas l'aptitude correcte pour parler de la science du hadith, il doit s'écarter de ce genre de choses. Et il doit laisser cette science aux spécialistes de cette science. Et il dit celui qui veut également essayer de prendre un hadith comme preuve pour justifier ou supporter une position quelconque, eh bien il doit la prendre de là où il sait qu'il va trouver des hadiths qui sont authentiques. Hein? Il doit connaître le verdict du hadith en question et savoir sa signification et non pas de parler sans science, hein, au risque de mentir contre Allah et mentir contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Là, on a fini le chapitre en question. Maintenant, il y a un autre chapitre. Et c'est un chapitre qui est également très très important. Sauf que je ne sais pas si j'ai la force pour, de continuer pour la suite, parce que j'ai une fatigue là, en moi-même en ce moment qui est assez lourde. Donc je pense que je vais m'arrêter maintenant. Le prochain cours, ce sera Babun ma ja'a fil qawli ala Allahi bila ilm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de dire des choses à propos d'Allah sans science. De dire des choses à propos d'Allah sans science. Donc ça, c'est très grave, comme on en a parlé un petit peu dans ce chapitre-là. Mais là, on va en parler un peu plus en détail au prochain cours, inshallah. D'accord ? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم